plus des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage. On pop, pop, pop, le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Allô, allô, bienvenue dans le grenier pop sur CIBL 101.5 FM. Mon nom est Frédéric Lavoie et je serai avec vous dans la prochaine demi-heure pour prendre l'échelle qui monte au grenier et ouvrir une boîte sur laquelle est écrit 1985. Et oui, cette semaine, on remonte à une année mythique, 1985, une année où le cinéma, la musique et la télé ont explosé en couleurs, en énergie et en folie créative. On avait les Goonies qui cherchaient un trésor, Marty McFly voyageait dans le temps, Rocky affrontait le bloc soviétique et la pop culture atteignait son apogée. Accrochez-vous à votre DeLorean, on retourne en 1985. Et maintenant, je vais te faire voir comment j'ai organisé ton départ. Ne fais pas attention à l'aspect rudimentaire de cette maquette, je n'ai pas eu le temps de la faire à l'échelle ni de la peindre. Oh, elle est très bien. Ah, merci, tu es gentil. Alors voilà, nous fixons un câble électrique de type industriel au sommet de l'hôtel de ville et nous le suspendons au-dessus de la rue entre ces deux réverbères. Auparavant, nous avons équipé la machine à voyager dans le temps d'une perche et d'un crochet directement reliés au convecteur temporel. À l'instant T, calculé à la seconde près, tu lances le moteur, tu démarres de l'autre bout de la rue et tu fonces pour atteindre les 88 miles à l'heure à la hauteur du câble. Si l'on en croit le tract, samedi soir à 10h04 très précise, un éclair devrait atteindre le sommet de l'hôtel de ville et électrifier le câble à l'instant précis où le crochet fera contact, projetant ainsi 2,21 gigawatts dans le convecteur temporel. Et te voilà reparti en 1985. En 1985, il n'y a pas que le voyage dans le temps qui est devenu possible. Le cinéma, lui, a troqué ses cow-boys poussiéreux pour des soldats survitaminés. C'est cette année-là qu'on a eu droit à la sortie de Commando, Rambo 2 et Rocky 4. Des explosions, des muscles et de la sueur, le cinéma d'action était à son apogée. On a Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone qui régnaient alors en maître absolu sur Hollywood, véritable icône d'une époque où la force brute et la vengeance pouvaient faire office de scénario. Rocky, votre décision est définitive. Oui. Rocky, par ici s'il vous plaît. C'est la première fois que le champion abandonne sa couronne. Je saurais pas vous dire. Le titre de champion ne signifie plus rien pour vous? Tant que je n'ai pas vengé Apollo. Monsieur Rimsky, compte tenu du fait que Rocky est un terrible puncher, vous croyez toujours que ça va être un combat facile? Mais oui, bien sûr. C'est avant tout un problème de taille et d'évolution. Vous êtes d'accord, je pense. Drago, c'est une perfection entraînée, athlétique, sans rival. Son adversaire n'a ni sa taille, ni son endurance et pas davantage des gènes de vainqueur. Il est physiquement impossible à ce petit gabarit de gagner. Drago, c'est un regard sur le futur. Rocky, la question n'a pas encore été abordée, mais combien va vous rapporter ce combat? Pas de bourse, c'est pas une question d'argent. La date du combat est déjà fixée? Le 25 décembre. Pourquoi à Noël? Parce que c'est ce qu'on m'a dit. Et où? En Russie. Mais t'es ravagé. Pourquoi avez-vous dit oui? Ils boxeront en Union soviétique ou ils ne boxeront nulle part. Demandez à Drago, ou mieux à sa femme, pourquoi elle a peur. Dites-leur, je vous prie. J'ai les plus grandes craintes pour la vie d'Ivan. Nous redoutons la violence et les menaces. Nous ne faisons pas de politique. Ce que je veux, c'est que mon mari ne risque pas sa vie. Nous voulons la justice. Vous le traitez de tueur. C'est un professionnel de la boxe et non un tueur. Vous avez l'intime conviction d'être mieux que nous. Vous avez l'intime conviction que votre pays a le monopole du cœur et nous le monopole du mal. Vous avez l'intime conviction d'incarner la bonté et vous nous croyez cruels. Eh bien, tout ça, c'est de la fausse propagande qui aide beaucoup l'antagonisme et la violence de votre gouvernement. Mais 1985, ce n'est pas qu'une année de muscles et de grenades. Non, c'est aussi l'année où la musique faisait battre le cœur du monde. Pendant que Rocky affrontait Ivan Drago, George Michael faisait fondre les cœurs avec Careless Whispers, une ballade sensuelle devenue instantanément un classique, un slow mythique qui tournait sur les radios et qui faisait danser ou pleurer. Silver screen and all its sad good. Et à l'autre bout du spectre, un groupe venu de Norvège s'imposait avec un tube planétaire, Aha et Take On Me. Un morceau plein d'énergie, porté par un clip révolutionnaire mêlant dessins animés et prises de vue réelles. Une prouesse pour l'année 1985. Et encore aujourd'hui, c'est l'un des clips les plus vus de YouTube avec plus de 2 milliards de visionnements. Toujours en 1985, il y a aussi une chanson qui a uni le monde autour d'un même refrain. We Are The World, un hymne humanitaire écrit par Michael Jackson et Lionel Richie et produit par Quincy Jones, trois légendes de la pop et du soul. En janvier 85, après la cérémonie des American Music Awards, 45 superstars se retrouvent en studio sous la bannière du groupe USA for Africa. Sur la porte du studio, Quincy Jones avait collé une pancarte devenue légendaire. Check your ego at the door. Autrement dit, laissez votre ego dehors. En une seule nuit, la chanson est enregistrée. La chanson sort en mars 85 et devient un phénomène planétaire. Depuis, elle s'est vendue à plus de 20 millions d'exemplaires, a récolté plus de 60 millions de dollars pour lutter contre la famine en Afrique et a remporté 3 Grammy Awards, dont celui de la chanson de l'année. Et encore aujourd'hui, dès qu'on l'entend, on replonge dans cette époque où la pop croyait encore pouvoir sauver le monde. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one.

Pendant que la musique unissait le monde avec We Are the World, un autre événement fascinant captait l'imaginaire collectif. La découverte de l'épave du Titanic disparue depuis plus de 70 ans. Le Titanic, c'était ce géant des mers, considéré comme insubmersible, qui avait sombré en 1912 après avoir frappé un iceberg dans l'Atlantique Nord. Plus de 1500 personnes ont perdu la vie cette nuit-là, et pendant des décennies, personne ne savait exactement où reposait le navire. C'est finalement le 1er septembre 1985 que l'équipe du docteur Robert Ballard, océanographe américain, fait la découverte historique. Avec l'aide d'un robot sous-marin appelé Argo, il repère les premières images du Titanic à près de 3800 mètres de profondeur au large de Terre-Neuve. Et ce qu'il voit à l'écran est bouleversant. La proue du navire, encore debout, les hublots, les ancres, la vaisselle éparpillée sur le fond marin. L'épave était coupée en deux, mais toujours incroyablement bien préservée. Ballard raconte plus tard qu'il n'a ressenti aucune joie au moment de la découverte. Il a dit « C'était comme trouver la tombe de 1500 personnes ». Le plus étonnant, c'est que cette expédition n'avait pas été annoncée publiquement. Elle faisait en réalité partie d'une mission secrète de la marine américaine pour retrouver deux sous-marins nucléaires perdus. Le Titanic, lui, n'était qu'un prétexte scientifique pour masquer l'opération. Ainsi, les deux sous-marins nucléaires ont été retrouvés en même temps que l'épave du Titanic lors de la même expédition. Une fois les sous-marins localisés et leurs réacteurs nucléaires confirmés comme intacts, il lui restait 12 jours pour rechercher le Titanic, qu'il a effectivement retrouvé en suivant un champ de débris. Et bon, sa découverte allait relancer la fascination mondiale pour le Titanic, des livres, des documentaires, des expositions et bien sûr, elle inspirera plus tard le film Titanic de James Cameron, sorti en 97. Il peut rester à flot avec les quatre premiers compartiments fissurés, mais pas avec cinq. Pas avec cinq. Comme il s'incline par l'avant, l'eau va se répandre en passant au-dessus des cloisons étanches, au pont E, de compartiment en compartiment, vers l'arrière. Rien ne pourra l'arrêter. Les pompes, si nous ouvrons les portes... Les pompes vous feront gagner du temps, mais seulement des minutes. À partir de maintenant, quoi que nous fassions, le Titanic va sombrer. Mais ce paquebot ne peut pas couler. Il est fait d'acier, monsieur, je vous assure qu'il peut couler. Et il coulera. C'est une certitude mathématique. Après avoir exploré les fonds marins, faisons maintenant un petit détour par un univers un peu différent. Celui du jeu vidéo. L'année 1985 a été un véritable tournant pour l'industrie avec la sortie de Super Mario Bros. Sur NES. Ce petit plombier moustachu, qui n'était à l'origine qu'un simple personnage secondaire appelé Jumpman dans Donkey Kong, allait devenir une véritable icône mondiale. Entre ses sauts audacieux, ses champignons magiques et ses aventures à travers le royaume champignon, Mario a captivé des millions de joueurs et lancer une saga qui continue encore aujourd'hui. Pour des milliers d'enfants et même d'adultes comme moi, 1985 a marqué le début d'une génération de gamers qui n'oublieront jamais ce premier saut sur l'écran de télévision. Payez trop cher votre plomberie? Mamma mia! Heureusement, les Super Mario Bros. Sont là pour sauver Brooklyn et le Queens! Et votre portefeuille! Merci, les Super Mario Bros. La seule chose que vous n'avez pas vidangée, c'est mon compte en banque. Oubliez les plombiers trop chers pour qui vous n'êtes qu'un client! Avec les Super Mario Bros., vous êtes en famille! Et ça, c'était un extrait du film Super Mario Bros. Sorti en 2023. Pour ne pas vous tromper, sachez qu'il existe aussi la version de 1993 qui, elle, faisait un peu friser les moustaches des fans et qui n'a pas vraiment connu le même succès. Donc, si on réécoute le film, on choisit la version de 2023 si on veut avoir le moindrement de plaisir. Mais retournons en 1985 et tournons notre regard vers ce qui se passait à la maison, au Québec. Cette année-là, le film québécois Le Matou, réalisé par Jean Baudin, est présenté en première le 25 août. Inspiré du roman de Yves Beauchemin, il raconte avec humour et tendresse la vie d'un homme et de son chat, mais aussi les petits drames et joies du quotidien. C'est pas juste que je bouffe de la bière et je t'en donne jamais. Mange bien du pâté chinois avec moi. Ben aujourd'hui, tu vas boire de la bière avec moi. T'aimes ça ou t'aimes pas ça? Hey, toi, là, mon beau minou. T'aimerais-tu ça que ma mère ressemble à Elise? Moi, j'aimerais bien ça. Ah oui, bouille, dépêche-toi, c'est ma dernière bouteille. Lise, elle veut pas que je boive de la bière. Elle dit que c'est pas bon pour les enfants. Ils en boivent bien, eux autres, même qu'ils en boivent comme des cochons. L'autre soir, là, Florent, il a bu toute une caisse avec Angelbert. Ben, c'est bon pour eux autres. C'est bon pour nous autres ici. Et pendant que le matou jouait au cinéma, qu'est-ce qu'on pouvait entendre sur les ondes de CIBL en 1985? À l'époque, la station de radio communautaire francophone CIBL diffusait du haut des pyramides du village olympique sur la fréquence 104.5. Avec ses 16 watts, la faible puissance de son antenne atteignait seulement les auditrices et auditeurs du quartier. Si vous aviez écouté la radio à ce moment, vous auriez pu entendre le succès de l'heure « Amour sans romance » du groupe Nuance. On l'écoute. Je suis J'ai toujours aimé les chansons du groupe Nuance, et après Amour sans romance qu'on vient d'écouter, il faut savoir que leur succès ne s'est pas arrêté là. On a bien sûr encore en mémoire leur autre grand succès, Vivre dans la nuit. Donc en 86, ils ont été nommés Révélation de l'année, un vrai coup de projecteur sur leur talent. Puis en 87, ils ont décroché le titre de groupe de l'année, confirmant qu'ils faisaient désormais partie des incontournables de la scène musicale québécoise. Et voilà, c'est déjà tout pour cette émission du Grenier Pop. Merci d'avoir été là. On a fait un petit tour ensemble dans les années 85. J'espère que ça vous a diverti un peu et rappelé quelques bons souvenirs. Je vous souhaite un excellent début de week-end. C'est vendredi, alors profitez-en pendant qu'on a encore nos belles couleurs d'automne. C'est le temps d'aller dehors. Et n'oubliez pas notre bingo radio au profit de la station qui a lieu tous les dimanches de 13h à 15h. Pensez à acheter votre carte à l'avance pour jouer avec nous. Les différents points de vente sont indiqués sur la page de l'émission Bingo Radio sur CIBL105.ca. Et pour toute suggestion ou commentaire sur l'émission, je vous attends sur la page Facebook du Grenier Pop. Le Grenier Pop, trésor vintage et culture pop, c'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage, on pop, pop, pop. Le Grenier Pop. Pour les rêveurs et les amoureux, on pop, pop, pop. Le Grenier Pop. Le Grenier Pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux, on pop.